Puis après, Philippe Il nous a Jaudona, emmenés quoi en de pleine nuit. l'examen, Philippe Jaudona, la porte À la bande d'Italie. d'Italie. Arrivé à la place Clichy avec les Place Clichy, journalistes, les à bout du journalistes qui mur. voulaient nous filmer. Tombé sur la plateforme C'était des bus arrière, à plateforme. on rebotna le carreau, On a on a baissé les vitres et les carreau sœurs ont lancé des youyou. J'y vais avec mes propres De yeux, mes la yeux, j'ai vu police les m'a policiers se envoyé bagarrer avec les journaliste. journalistes. Ils ne voulaient pas qu'ils nous filment. On est passé, on est arrivé porte Dans la d'Italie, porte d'Italie, le centre au d'accueil, centre d'accueil, ils nous ont il fait entrer. y avait un bâtiment. C'est grand. Quelle est la Celles qui avaient eu des chambres ont éventré les oreillers. Il y avait des plumes Des partout. plumes, avec y en avait partout. Après, Ils nous ont emmené des macaronis, macarona, avec les gamelles, dans des gamelles en fer, avec des cuillères, et des biberons pour les petits. Il y avait Djamila, Dieu et son âme, une qu'on appelait Maria et moi. Mon frère, Dieu et son âme, nous avait donné ordre d'encadrer les sœurs. Je suis montée sur la table et j'ai dit, écoutez mes sœurs, ceux qui sont morts hier ont des parents aussi. Si ton bébé doit mourir, il mourra comme ceux d'hier. On ne touche ni au biberon ni au macaroni. On n'est pas là pour manger. On est là pour l'indépendance. Pour lever ce couvre-feu qui nous opprime. On se fait tuer au pays et en plus on nous interdit de sortir ici. Personne n'a mangé. Il nous a amené une harkie, Mademoiselle Benkara, avec la Croix-Rouge. Elle est restée à l'entrée. Je suis venue vous parler, la France. J'ai dit, quoi la France? On y est, point final. Alors là, les sœurs lui ont jeté les gamelles à la figure. Elle les a mangées, elle n'a pas tenu 10 minutes. Elles l'ont évacuée. Et on est resté là. Le lendemain, ils nous ont relâchés.